La fibre de SFR débarque chez Monsieur Ultra Rapide. Ah, vous savez, nous, on aime quand ça va vite, et avec la fibre à la maison, ça va très vite. Je stream mes séries avant tout le monde, mon fils est le plus rapide sur les jeux en ligne, ma femme écoute de la musique en supersonique, je stream des séries, mais ça, j'ai déjà dit. Ah, et on peut aussi télécharger. C'est le moment de passer à la vitesse de la fibre. Jusqu'au 27 avril, la fibre de SFR est à seulement 15 euros par mois pendant un an, puis 38 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 euros. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la prise d'otage de la maternelle de Neuilly-sur-Seine en mai 1993. Pour la première fois dans le monde, 21 enfants âgés de 3 à 4 ans sont pris en otage dans leur école. Pendant 46 heures, les médias seront sur l'événement, jour et nuit. Mais comment peut-on informer quand les autorités ne laissent rien filtrer ? L'affaire de la prise d'otage par cet homme n'est pas qu'un simple fait divers, c'est aussi une histoire médiatique, où les journalistes vont devoir faire face à une loi du silence imposée par les autorités et même devenir acteurs de ce drame, malgré eux. C'est aussi une affaire politique et personnelle entre Nicolas Sarkozy, maire de Neuilly, et Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, à qui, 10 ans plus tôt, le même Sarkozy avait soufflé la mairie de Neuilly. Mais oui. Alors, que s'est-il passé pendant ces 46 heures? Dans la classe, devant l'école et dans les ministères. C'est cet épisode que nous allons vous raconter aujourd'hui. Et pour en parler avec nous, nous recevrons, en deuxième partie d'émission, Jean-Pierre Abou, ancien grand reporter à TF1 et auteur de HB 46 heures qui ont bouleversé la France. Il fut le seul journaliste à avoir pu rencontrer le preneur d'otage. La mère d'un enfant retenu dans la classe est également avec nous. C'est notre consoeur de France Culture, Laurence Perrier. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, coordination Christophe Barrer, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Coyen Guyenne et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Maxime Ingrand et Jean-Noël Vélan. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. À la ceinture, apparemment des explosifs avec des fils qui en sortent. Ce preneur d'otage a une sorte de bobine à la main qui semblerait, enfin il prétend que ce serait un détonateur. Sa situation n'a guère évolué ici où le preneur d'otage est toujours retranché dans une salle de classe avec 6 élèves âgés de 3 à 4 ans et Laurence Dreyfus, leur institutrice. Y'a rien de neuf ? Les 6 enfants et l'institutrice de l'école maternelle de Neuilly-sur-Seine devront peut-être malheureusement passer une seconde nuit. Y'a rien de neuf ? L'affaire est sans précédent. L'émotion considérable, l'identification immédiate, l'incompréhension totale. L'incompréhension totale. L'incompréhension totale. Y'a rien de neuf ? Dans les salles de rédaction des radios et des télévisions, le 13 mai 1993, c'est une journée ordinaire qui commence, rien de spécial. À part bien sûr l'ouverture du 46e Festival de Cannes. Comme chaque année à cette période, l'information vit pendant 2 semaines au rythme des projections et des happenings de la croisette. Le reste, en ce mois de mai 93, ce sont surtout les déplacements et visites des ministres de nouveaux gouvernements en baladure. Ils sont nouveaux, alors ils aiguisent la curiosité. Depuis le 28 mars et la défaite historique du Parti Socialiste qui n'a obtenu que 57 sièges de députés aux dernières législatives, François Mitterrand est contraint à une seconde cohabitation. Le nouveau Premier ministre, Édouard Balladur, celui qui est censé préparer le terrain pour Jacques Chirac dans la perspective de la présidentielle de 95, on connaît la suite, s'est entouré d'hommes d'expérience et de jeunes loups de la droite, RPR et UDF. Place Beauvau, c'est Charles Pasqua qui s'installe de nouveau. À Bercy arrive sur le strapontin du budget un certain Nicolas Sarkozy, l'un des petits protégés d'Édouard Balladur. François Fillon est à l'enseignement supérieur, personne ne le remarque ni ne s'intéresse à lui. Il occupe un ministère technique. François Bayrou à l'éducation, même profil, en plus visible. Tous ces ministres de seconde zone, qui deviendront les stars politiques de demain, font leurs armes au sein du gouvernement Balladur, à qui ils feront allégeance contre Jacques Chirac pour la présidentielle de 95. La gauche, rejetée dans l'antichambre d'une opposition très minoritaire, regarde le train passer. 13 mai 1993, 11h27, dépêche de l'AFP. Un homme armé retient en otage des enfants dans une classe de l'école commandant Charcot de Neuilly-sur-Seine. La police et les pompiers sont sur place. Pas un mot de plus, c'est le style sec et normal de l'AFP. En vérité, c'est la première fois dans le monde que des enfants si jeunes sont pris en otage. Dans les salles de rédaction, c'est donc l'effervescence. Tout est chamboulé à moins de 2 heures du journal de la mi-journée. Breaking news, comme on dit chez les professionnels de la profession. Stylo, micro et caméra, tout ça Neuilly. Pardon pour cette interruption des programmes, mais un événement grave s'est produit aujourd'hui à Neuilly-sur-Seine. Drame à la maternelle. Un homme armé retient en otage une douzaine d'enfants d'une classe maternelle. Et leur institutrice. Ils réclament la somme de 100 millions de francs. 100 millions de francs. Le point sur place en direct avec nos envoyés spéciaux autour et près de cette école. Quelles sont les dernières informations? Neuilly, midi. École maternelle du commandant Charcot. Les journalistes de France Info sont les premiers sur place, les premiers à prendre l'antenne en direct de l'école. France Info est le seul média tout info à l'époque. Dès les premiers flashs, qui ne tombent pas forcément aux heures pile, c'est le concept, toutes les familles qui ont des enfants dans cette école accourent. Les forces de police prennent les devants et installent les premières barrières de sécurité. Chaque rédaction envoie plusieurs équipes sur place et les postes près des deux entrées de l'école. On gare les cars régis à proximité. Les techniciens s'occupent de placer les caméras, de brancher le retour antenne, de vérifier la liaison. Les journalistes, quant à eux, glanent les premières informations. Pour l'instant, on sait très peu de choses de la prise d'otage. Alors on repère les lieux, on scrute le balai des voitures, l'arrivée des responsables de la région. On tend le micro et on enregistre les premiers reportages, comme ici, sur France Inter. J'ai un enfant à l'intérieur qui est en primaire. Apparemment, il est en sécurité puisqu'ils ont évacué les classes, mais tant que je ne l'aurai pas récupéré, je ne sais pas. J'ai été averti par un voisin. Le raid est là, la police est là, les pompiers. Il tient toujours en otage la classe. Ouais. C'est d'une lâcheté infinie. Il y a un enfant dans la classe. Comment vous l'avez appris? Je n'ai pas appris. En arrivant ici, c'est tout. On n'était pas prévenus. Hein. Et on vous a dit ce qui se passait? Non. La police n'a rien dit. Vous avez retrouvé votre enfant? Oui. Ça y est. Vous avez eu peur? Très peur. Surtout que ça, on ne savait pas du tout ce qui se passait. Alors on a eu peur, c'est normal. Mais on a peur pour les autres qui restent. On ne nous avertit pas, premièrement. On n'a pas été avertis. On l'a su seulement par la radio. Je viens de récupérer mon fils, là. Le seul truc, ça fait peur. Hein. Enfin, on nous a juste dit qu'il y avait un dingue qui avait pris en otage une maternelle. L'école commandant Charcot se situe rue de la Ferme, à quelques pas de la Seine et du bois de Boulogne, près de la Porte Saint-James, dans le quartier le plus huppé de la ville, si tant est qu'il n'y en ait de pas huppé. Rappelons que Neuilly est la ville la plus riche de France, un no man's land électoral pour la gauche. Il n'y a aucun commerce près de l'école, juste de jolis immeubles. Comme chaque jour, l'école ouvre ses portes vers 8h et près de 600 élèves dépassent la grille de l'établissement. C'est par là que l'homme est entré. Il s'est dirigé vers la classe numéro 8, au rez-de-chaussée. C'est celle de l'institutrice Laurence Dreyfus. Elle est en charge d'une classe de 21 enfants âgés de 3 à 4 ans, de tout petits enfants. Devant l'école, vers midi, le préfet des Hauts-de-Seine, Charles-Noël Hardy, s'exprime pour la première fois. Il a dans une main un pistolet qui semble soit un pistolet d'alarme ou un pistolet fictif. Par contre, il a à la ceinture apparemment des explosifs avec des fils qui en sortent. Il dit que ce sont des explosifs. Alors est-ce que c'est fictif ou rien? On n'en sait rien. Bon, quelques informations, mais les journalistes sont dans le brouillard, comme les parents des enfants retenus dans la classe. En fait, l'information est ailleurs, dans les bureaux des ministres et derrière la grille de l'école. À la fin du journal, il ne reste plus d'enfants dans la cour de récréation. Seuls ceux de la classe numéro 8 poursuivent leur jeu avec l'institutrice à côté du preneur d'otages qui se fait appeler par deux initiales énigmatiques, HB. Madame, monsieur, comme vous le constatez, nous avons quelque peu changé le programme de la journée. Pardon pour cette interruption des programmes, mais un événement grave s'est produit aujourd'hui à Neuilly-sur-Seine. Comme vous pouvez le deviner, c'est l'attente, une attente qui a donc commencé ce matin à 9h30. Y a rien de neuf ? Place Beauvau, c'est l'alerte générale. Charles Pasqua, l'homme des coups et des contre-coups du gouvernement Chirac, apprend la nouvelle dès 10h30 du matin par son chef de cabinet, Joël Toraval. Très vite, il en fait part au Premier ministre, Édouard Balladur, et à Nicolas Sarkozy, ministre du Budget, mais aussi maire de Neuilly. Dès qu'il reçoit son appel, le jeune ministre du Budget reprend ses habits de maire, il file vers sa ville. À la la maternelle de Neuilly, les hommes du RAID s'activent. Les journalistes habitués aux prises d'otages et aux attentats repèrent très vite Louis Bayon, le chef du RAID. C'est le seul membre à marcher visage découvert. On observe au loin le déplacement des hommes du RAID. Deux groupes entrent dans l'un des bâtiments pendant que trois tireurs d'élite se placent sur les hauteurs. Les balcons des immeubles alentours sont fermés aux journalistes et on interdit le survol de Neuilly aux hélicoptères. Dommage pour Paris Match qui en avait réservé un. Très vite, le contact est établi avec le ravisseur et les premières négociations portent leurs fruits. On envoie le père de l'un des enfants discuter avec le preneur d'otage. Ce dernier accepte la discussion mais formule des demandes étonnantes, dont la carte d'identité de Charles Pasqua, pour être certain que le ministre suit l'affaire. Requête absurde, mais requête quand même. Et quand un homme détient des otages, surtout des enfants, mieux vaut céder. Alors on cède, et la carte d'identité fait le voyage Paris 8e Neuilly. Dès lors, les premiers enfants sont libérés. En échange, on accorde au preneur d'otages l'installation d'une radio, car monsieur veut entendre ce qu'on dit de lui dans les médias. Drame à la maternelle, une quinzaine d'enfants de 3-4 ans toujours retenus en otage par un forcené dans une école de Neuilly. Après les premières libérations d'enfants, on voit les parents porter leurs enfants dans les bras, on voit leur soulagement. Et ils sont pris d'assaut par les hordes de micros et de caméras. Images répétitives, l'émotion fait le reste. J'ai appris la nouvelle, j'ai accouru. Par la radio. C'est tout de suite venu, comment vous avez fait ? Ah ouais, ça fait deux jours que je ne vis plus et maintenant je suis folle de joie. Vous êtes soulagée ? Je Quel âge a-t-il ? 3 ans, comme tous les enfants de la classe. Allez, maintenant, t'as pas froid un peu ? Le petit dit rien, il connaît rien, Il vous a raconté un petit peu votre fils, ce qui s'était passé, il était comment ? Il m'a dit qu'il avait un monsieur qui avait des pistolets et un truc, ça faisait boum. C'est tout ce qu'il a dit. Aucun agent de presse du ministère n'étant là pour répondre aux différentes questions des journalistes, on livre l'info au conditionnel et à l'émotionnel, comme le veut la règle. Alors, qui est ce preneur d'enfants en otage ? On parle d'un sans-papier, d'un homme noir, d'un chilien, d'un terroriste, d'un membre d'Action Directe. Soyons sérieux, que se passe-t-il vraiment derrière ces grilles ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de point de presse officiel depuis hier soir 19h30, dernier point de presse du préfet, et que depuis, il n'y a plus aucune information officielle. Il n'y a rien de neuf ? En otage, une dizaine d'autres auraient été libérés. Il n'y a rien de neuf ? 13h30, dernière partie du journal, dernière place accordée aux correspondants sur les lieux, aucune évolution, à part l'arrivée d'une voiture officielle. En sort l'un des futurs acteurs de l'événement. L'homme sait faire, il sait où se placer devant une caméra, comment s'y tenir et surtout quoi dire au bon moment. Un orfèvre, déjà. Nicolas Sarkozy, le ministre du budget, il s'agit bien de lui. Il s'est fait connaître en 1983 lors de l'élection municipale de la ville de Neuilly-sur-Seine. À seulement 28 ans, auteur d'un coup de jarnac fort bien ficelé, ce jeune militant du RPR avait ravi la mairie à Charles Pasqua, baron gaulliste, figure charismatique, intouchable en son royaume, croyait-on. De cette confrontation naît forcément un certain contentieux. Se faire berner de cette façon par un jouvenceau, ce n'est pas forcément facile à vivre. Mais la politique est parfois facétieuse. 10 ans plus tard, les deux hommes siègent dans le même gouvernement et se retrouvent dans la situation où ils doivent gérer ensemble, sans fausse note, une affaire très délicate. Une prise d'otage dans une école, rien que ça. L'un décide dans le secret de son ministère, l'intérieur, l'autre agit sous la lumière, extérieure. Et c'est ainsi qu'à peine une heure après son arrivée, Nicolas Sarkozy, muni de la carte d'identité de Charles Pasqua, frappe à la porte de la classe, entre et commence à discuter avec le preneur d'otage. Marie, je sais que vous êtes quelqu'un de bien. On peut être amis, bon sang. On peut avoir confiance l'un en l'autre. Pourquoi donc ? Qu'est-ce que je vous ai fait, moi ? J'essaie de vous sortir la panade. J'essaie de trouver le pognon. J'essaie de trouver la voiture. Je vais porter le message au ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire en plus ? C'est bien parce que je suis votre ami que je fais ça. Sinon, je ne fais pas. Ou alors, donne-moi le petit noir. Donne-moi le petit noir. Allez, je reviens. Quoi? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? J'ai parlementé un quart d'heure avec lui. Il est très calme. Les enfants s'amusent, il n'y a pas de problème. Hein. Il m'a demandé d'aller voir le ministre de l'Intérieur pour discuter et lui porter un message. Lui porter un message. J'ai dit que je ne voulais pas tant que je n'avais pas d'autres enfants. Parce que si je porte le message maintenant, qu'est-ce que j'ai après ? Alors j'ai amené aussi de l'argent. Il n'en veut plus. Je lui ai dit que je l'amènerai plus que si je sortais moi-même mes enfants. Le son que vous venez d'entendre est extrait des enregistrements des pompiers qui sont en charge de filmer chaque intervention où ils sont présents. C'est la fameuse séquence où l'on voit le maire de Neuilly sortir de la classe avec un enfant dans les bras. Image multi-rediffusée depuis et qui fait désormais partie de la panoplie cathodique de Nicolas Sarkozy, genre « il ne manque pas de courage celui-là », formidable viatique pour une carrière qui n'en est qu'à ses débuts. Pourtant, ce que les journalistes ne savent pas, c'est que les négociations se déroulent dans le calme. Le forcené se rend compte très vite qu'il est impossible pour lui de gérer tant d'enfants sans perdre le contrôle de la situation. À 15h, le ministre du Budget quitte l'école, direction le ministère de l'Intérieur, pour apporter le courrier que lui a transmis le preneur d'otages à l'attention de Charles Pasqua. On n'a pas les moyens, c'est le faire portage. Si t'as pas de mobile devant ton truc, s'il y a le moindre truc de quelqu'un qui sort, je vais vous dire un truc, la chef ne peut pas prendre son. Y'a rien de neuf ? De toute façon, y'en a un qui sort, il y aura une tombe là. Devant l'école, les journalistes sont toujours dans le vague. On les autorise à se poster à quelques mètres de l'école, mais sans donner d'infos. Toutes les rédactions sont en train de changer les conducteurs de l'édition du soir et prévoient les moyens techniques indispensables pour un direct au cas où les événements s'accéléreraient. À TF1, Robert Namias, directeur de la formation et rédacteur en chef, envoie plusieurs journalistes, dont Jean-Pierre Abou, Thomas Hugues et Benoît Duquesne. Dans les bureaux de France Info, c'est le téléphone de Pascal Delannoy, directeur de la station, qui sonne au milieu de l'après-midi. Au bout du fil, Charles Pasqua. Il lui apprend que le preneur d'otages écoute France Info dans la salle de classe. Le ministre demande alors aux dirigeants de la radio publique d'Info Continue d'être prudents dans les commentaires et d'éviter tout superlatif qui pourrait envenimer la situation. Dont acte. Les journalistes, malgré eux, participent à l'écriture du récit en cours, mais il y va de la sécurité de plusieurs enfants. Alors... Je sais que tout le monde s'en fout. Votre indifférence m'a brisé le cou. Je ne représente rien pour vous, je suis trop en dessous. Sous vos yeux inquisiteurs, je veux représenter la peur. Mais ce matin dans l'école, je vais faire sonner la terreur. Vagama en otage, je peux faire un carnage. Maintenant je lis la terreur sur tous les visages. Vos attentions me touchent, je sais je fais mouche. Je suis devenu quelqu'un, l'espace de quelques heures, je suis devenu le fou. Les flics me parlent par la fenêtre, je vois les gilets pare-balles. Mais je savais déjà que l'issue serait fatale. Les parents pleurent, les journalistes sont là depuis des heures. Ce qui est marrant, c'est qu'autour de moi, les gamins n'ont pas peur. Personne n'a jamais fait attention à moi. Hier encore, je n'étais rien, aujourd'hui je représente le choléra. Comme des mouches qui volent et qui se collent tout autour de moi. Les hommes en cagoule noire comme pour masquer les visages de la mort. Comme entité par l'état, assassinat, ses victimes tuent le crime. Et plus vicieux que tu n'imagines. Si fini la lame, ne va rallumer la flamme. Le feu qui brûle en moi a fini par consumer mon âme. Mes mots n'ont jamais disparu. J'ai combattu toujours, je me suis tué. Mais aujourd'hui ce côté noir de la force qui a vaincu. Allez à Jacta et j'en ai plus rien à foutre. Je vais bientôt mourir mais je n'ai plus de doute. J'attends que la France me chute, je suis la menace. Je suis la poudre, je crache ma haine à la gueule de la patrie comme du dans l'école, les gosses me prennent toujours pour col à col. Joue avec le col, t'es prêt les bâtons, dynamite, pomme au bol gomme. Je jure que si jamais, oh jamais j'en dégomme, je me tuerai moi-même, la tête haute comme un homme. Qui tuera le monstre, le héros aura l'auréole des mains du diable. Il aura sauvé l'école. Pauvre pays, pauvres gens, vous m'avez traité en horreur. Moi qui suis votre enfant, éduqué dans la peur, je ne devais pas être différent. Je lis dans vos yeux l'attention qu'il y avait pas dans ceux de mes parents. Aujourd'hui, c'est fini pour moi, fini cette vie-là. Je n'ai vécu que pour ce jour où tout le monde me voit. Je suis enfin l'horreur incarnée. Pour quelques heures, je sens enfin vos cœurs battre avec moi. Hier encore, je n'étais rien. Aujourd'hui, je représente le choléra. Affaire sensible, la prise d'otage de Neuilly. Nicolas Sarkozy est donc de retour à l'école. Il est accompagné par un officier du RAID qui est venu faire le point avec les familles. Il a un masque, Thomas. Il a un masque, il a des gants, il a des lunettes. Et on pense qu'il a une arme de poing de type revolver, mais c'est pas un truc très impressionnant. Tout nous laisse penser que c'est plutôt un pistolet ou un revolver à grenaille. Par contre, il a autour de lui une espèce de besace, un sac, si vous voulez, qui serait censé contenir des explosifs. C'est une vente de 10 milliards de centimes. Ce qui nous laisse penser, si vous voulez, que c'est quelqu'un qui, au premier degré, est apparemment très structuré, et au deuxième degré, il est beaucoup moins, parce que la demande est vraiment exorbitante. Alors, je ne sais pas, compte tenu du peu d'erreurs qu'on peut avoir, si on peut dire qu'on a affaire à un malade mental, je ne pense pas. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui peut être un petit peu déséquilibré, mais ce n'est pas, si vous voulez, le fou complètement disjoncté qui est capable de faire n'importe quoi. La prise d'otage se déroule, répétons-le, dans un climat assez calme. Les membres du RAID, les secours et les pompiers ont pu s'installer sans problème dans l'école. Tout est en place en cas d'explosion, d'assaut ou de panique. Et le forcené continue de négocier avec le ministre du budget. Il réclame toujours ses 100 millions de francs tout en essayant de contrôler la situation dans la classe. Répétons-le là encore, il n'est pas facile de gérer des enfants de 3 à 4 ans, toute une journée enfermés sans leurs parents dans une salle de classe. Le preneur d'otages accepte alors la venue d'un médecin du SAMU pour soulager l'institutrice qui s'occupe des enfants depuis le début de la matinée. À 17h30, il libère un enfant contre un téléviseur. Oui, les termes du troc sont un peu choquants, mais telle est la réalité en ce jour de prise d'otage. Cette enfant, c'est la fille de Jean-Marie de Morand, l'un des conseillers en communication de Charles Pasqua. Elle est aussi la fille de Laurence Perrier, qui est avec nous dans ce studio. Du côté des journalistes, on scrute de loin les événements, et on s'interroge. Est-ce que la fin de la prise d'otage aura lieu avant le 20h, dans la nuit, demain? Et en fait, qui est ce HB? On échange, alors que là, c'est un enfant qui vient d'être... Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis ce matin, le preneur d'otage n'a qu'une seule revendication, une rançon de 100 millions de francs. Il n'y a rien de neuf ? Les enquêteurs également sont dans le flou. Depuis l'annonce de la prise d'otage, les commissariats et la mairie de Neuilly reçoivent des dizaines d'appels de personnes qui affirment connaître le malfaiteur. Mais les pistes s'effondrent les unes après les autres. En vérité, de cet homme, on ne connaît que deux initiales inscrites sur les différents documents dactylographiés à l'ordinateur qu'il distribue à ses différents interlocuteurs. Sur l'un d'entre eux, il cite un article du JDD du 8 mai 1993 racontant l'explosion d'une bombe dans un parking de la ville. À l'époque, la police imagine un attentat raté d'action directe, mais c'était déjà une fausse piste. Alors ils reprennent tout à zéro. Ils répertorient l'ensemble des plaques d'immatriculation à proximité de l'école, comparent les identités, cherchent des noms commençant par H, par B, HB. Mais pourquoi HB? À un moment, les inspecteurs pensent qu'il s'agit d'une personne atteinte de l'hépatite B. Oui. Bon an, mal an, le RAID réussit à installer des micros dans la classe. Tout est désormais enregistré à l'affût d'une confidence, d'un lieu, d'un nom. En vain. 13 mai 1993, 9 heures après la prise d'otage, Nicolas Sarkozy discute une nouvelle fois avec HB et lui apporte un premier versement d'argent. Mais le preneur d'otage formule une nouvelle demande. Il souhaite rencontrer un journaliste de TF1. Parce qu'à l'époque, le 20h de la première chaîne française est un rendez-vous incontournable, suivi par plus de 10 millions de spectateurs chaque soir. Alors va pour TF1, Nicolas Sarkozy accepte, et c'est à notre confrère de la Une, Jean-Pierre Abou, présent également dans notre studio aujourd'hui, que revient la tâche de rencontrer l'énigmatique HB. Évidemment, c'est un scoop, car il est le seul journaliste à entrer dans la cour d'école depuis le début de la prise d'otage. Jean-Pierre Abou emprunte un long couloir, observe les vêtements encore accrochés des derniers enfants dans la classe, la porte s'ouvre. Il entre dans la pièce. Immédiatement, un 12e enfant est libéré. HB se tient en face du journaliste, près du lavabo, assis sur une chaise d'enfant. Il a de grosses bottes, une combinaison foncée qui recouvre entièrement son corps. Mais on voit ses yeux à travers la cagoule. L'entretien dure une quinzaine de minutes. Jean-Pierre Abou regarde une dernière fois les enfants qui jouent et parlent près des fenêtres avec l'institutrice. À la sortie de l'école, le journaliste devient l'interviewé, le témoin, le confrère qui vient de passer de l'autre côté. Il reste silencieux, attend la grand-messe du 20h de TF1. Jusqu'à présent, nous savions très peu de choses, mais tout à l'heure, l'un de nos reporters, Jean-Pierre Abou, a été invité à pénétrer à l'intérieur de l'école par le preneur d'otages. Ce que j'ai pu voir, c'est que effectivement, ce preneur d'otages a une sorte de bobine à la main qui semblerait, enfin, il prétend que ce serait un détonateur, et il a sur sa poitrine un sac assez gonflé dans lequel il prétend avoir mis des explosifs. On disait qu'il portait une cagoule. Est-ce que c'est le cas encore ? Il a une cagoule. Il a une cagoule et on peut voir ses yeux derrière cette cagoule et à sa peau, il ne semblerait pas, comme on l'a pu le dire au début de cette prise d'otage, que ce soit un Africain, mais il semble que ce soit un Français qui ait fait cette prise d'otage. Après ce témoignage, le présentateur passe ensuite au sujet récurrent, comme tous les mois de mai, le Festival de Cannes, où se trouve PPDA avec Catherine Deneuve, son invitée ce soir-là. Puis retour à Neuilly, car il s'agit de l'information principale du journal. On diffuse la dernière déclaration du préfet. Et je suis là pour vous dire que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte à la vie des enfants et de l'institutrice. La police, donc, n'interviendra pas avant le dénouement de cette crise que nous sentons proche. À Neuilly, une longue nuit commence. Les journalistes sur place restent vigilants, se battent contre le sommeil. Cela fait plus de 12 heures que la prise d'otage a commencé. Ce soir, ils dormiront pour la plupart dans leur véhicule, comme les parents, avec pour compagnons l'angoisse et l'espoir, l'un chassant l'autre, puis revenant dans ce mouvement de balancier classique qui ponctue ce genre de situation. Le lendemain, rue de la Ferme, dans l'école Commandant Charcot, on se rue sur les journaux, les grands quotidiens qui font tous leur une, bien sûr, sur la maternelle de Neuilly. L'insoutenable attente, titre par exemple Libération. On lit l'interview de la directrice de l'école, d'un professeur, d'un parent. Chacun témoigne des quelques instants passés ce jeudi 13 mai dans l'école. À ce moment précis, il ne reste plus que 6 enfants dans la salle de classe. L'essentiel de ce journal sera consacré à la prise d'otage de Neuilly qui dure toujours. 6 enfants de 3-4 ans et leur institutrice. 6 enfants sont toujours retenus en otage avec leur maîtresse. Les 6 enfants et l'institutrice de l'école maternelle de Neuilly sont toujours retenus par un homme masqué et armé qui réclame une rançon de 100 millions de francs. Il n'y a rien de neuf ? Devant l'école, à côté des journalistes français, on repère désormais des quarts régies de télévisions étrangères. CNN, première chaîne d'infos continue au monde et sur place, comme les correspondants de la BBC et des ABC. La prise d'otage des enfants de Neuilly devient une information mondiale, une histoire à laquelle chaque famille du monde peut s'identifier, car ce sont des enfants, précisément. Un otage est toujours la victime innocente d'un problème qui le dépasse, alors des enfants. The school children held hostage in Paris. Sorgen bereitet der Polizei vor allem die Persönlichkeit des Verbrechers. Ransom in France. Dans le même temps, deux psychiatres écoutent attentivement les différentes bandes sonores de la pièce où se trouve HB. L'un parle de paranoïa, l'autre de délire messianique. Sur les plateaux de télévision, on brode aussi, on invite des anciens commissaires, des psychiatres à la retraite devenus, le temps de l'événement, des spécialistes incontournables de la chaîne. La journée est une accumulation de rumeurs, de faux espoirs, de questions sans réponse. Écoutons un extrait du journal de 19h de France Inter. La situation n'a guère évolué ici, devant le groupe scolaire Charcot, où le preneur d'otage est toujours retranché dans une salle de classe avec 6 élèves âgés de 3 à 4 ans et Laurence Dreyfus, leur institutrice. À la mi-journée, le contact a une nouvelle fois été interrompu entre les négociateurs, Nicolas Sarkozy, Marcel Leclerc, le commissaire Alain Cancès, le patron de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, pour permettre aux uns et aux autres de déjeuner. Et puis, vers 17h, la situation a évolué plus rapidement. Ce sont tout d'abord deux voitures de la police qui sont arrivées. Très rapidement, les policiers ont déchargé du matériel vidéo semblable à celui que l'on utilise dans la surveillance industrielle. Matériel de télévision, câbles, écrans et caméras. Le tout a été déposé à l'intérieur de l'établissement. Et puis vers 18h, quatre voitures arrivaient en trombe dans l'usine. Dans l'une d'elles, une fourgonnette immatriculée dans les Yvelines. On a pu voir 3 malles de fer, 3 malles bleues. Dans ces 3 malles pourraient se trouver les 100 millions réclamés par le preneur d'otages. Mais vous vous en doutez, même si la voiture en question est entrée dans l'établissement scolaire, il est encore trop tôt pour dire si oui ou non, il s'agit là d'un tournant décisif dans cette prise d'otage qui dure maintenant depuis plus de 35 heures. En fin de journée, on demande à Nicolas Sarkozy de ne plus entrer dans la salle de classe au risque d'être lui-même pris en otage. Peut-être les autorités veulent-elles aussi mettre un terme à son exposition médiatique. Il se dit que le côté ministre qui n'a pas peur d'aller au contact d'un homme armé irrite un peu Place Beauvau chez Charles Pasqua. C'est donc le procureur Pierre Lyon-Caen qui négocie avec HB, qui d'ailleurs a revu ses ambitions à la baisse en acceptant la somme de 40 millions de francs au lieu de 100. L'argent est donc là, les voitures demandées aussi. Pourtant, rien ne se passe. Contrairement à ce que la police escomptait, HB ne tente pas une sortie avec son magot. À 2h du matin, le 15 mai, le procureur clôt les négociations. Le forcené reste donc seul avec les enfants et la pédiatre. Depuis le début de la prise d'otage, HB autorise l'institutrice et la pédiatre à aller et venir en dehors de la classe, ce qui leur permet de souffler un peu et de discuter avec les membres du RAID. La nuit, c'est le temps des confidences, du repos, du bilan de la journée. Chacun se lâche un peu. Ce soir-là, pendant la nuit du 14 au 15 mai, HB noircit un carnet. Ce sera sa dernière déclaration. Sur ces pages retrouvées le lendemain, on peut lire, dans une syntaxe approximative, « Prisonnier de mes rêves les plus fous, je suis mal assis sur une petite chaise de bambin. Il est 4h maintenant. Mort je suis, il fallait l'être, je m'y suis préparé. Cette farce ne suffira pas au-delà de cette école où ils ont peut-être réalisé le danger d'une bombe humaine telle que moi, HB. De cette logorée, on retient, bien sûr, HB. Voilà, on a compris, enfin, HB comme human bomb. Après plus de 40 heures d'éveil, la bombe humaine combat désormais la nuit et surtout la fatigue. La fatigue, une piste. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. L'affaire de la prise d'otage de Neuilly. Dans quelques minutes, nous retrouverons nos invités, le journaliste Jean-Pierre Agou et la mère d'un enfant pris en otage. À l'époque, notre consoeur de France Culture, Laurence Perrier. Samedi 15 mai, 7h30. Après 48 heures d'un horrible suspense, la prise d'otage de l'école Commandant Charcot à Neuilly s'est terminée ce matin à 7h30. Le preneur d'otage a été tué par les forces du RAID. Les 6 enfants et leur maîtresse d'école sont libres. C'est donc le dénouement. Tout de suite, on rejoint François Ponchelet qui est en direct sur place. François, est-ce qu'on en sait un peu plus maintenant sur les circonstances et le déroulement de ce drame ? Alors Bruno, nous avons maintenant, grâce à l'enquête de l'ensemble de la rédaction de France 2, les détails précis de ce qui s'est passé. La décision a été prise à 5h30 ce matin, décision d'intervenir par le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. Tout le dispositif a été mis en place donc à partir de cette heure-là. Ils ont attendu en fait les policiers, donc le RAID, la BRI, les pompiers, etc. ont attendu que le preneur d'otage commence à somnoler. Comment ont-ils su que cet homme commençait à somnoler? Eh bien tout simplement, vous vous souvenez du détail du matériel vidéo qui a été apporté hier à l'intérieur de l'école. Eh bien, parmi ce matériel vidéo, il y avait une caméra qui a enregistré à partir de ce moment-là tous les détails de ce qui se passait à l'intérieur de la classe. Et quand ils ont vu qu'il commençait à s'endormir, c'est là qu'ils ont pris la décision d'intervenir. À ce moment-là, l'institutrice Sylvie Dreyfus a mis les enfants à l'abri dans un coin de la classe, derrière des matelas. Et à ce moment-là, deux hommes du RAID ont pénétré dans la classe et avaient l'ordre d'abattre le forcené directement en visant la tête. L'homme a été abattu de 3 balles dans la tête. Et à ce moment-là, 10 autres hommes du RAID ont bondi dans la classe pour immédiatement sauver les enfants et l'institutrice et les sortir de cette classe. Car il y a un détail, l'homme était piégé. Il avait sur lui, d'après les informations que nous avons obtenues d'excellentes sources, il avait sur lui 21 bâtons de dynamite, dont 16 qui étaient placés autour de la ceinture, et tout le dispositif explosif était parfaitement réel. Il y avait 600 à 900 grammes d'explosifs selon les informations que nous avons. Désormais, l'information se libère. Les hommes politiques silencieux hier se révèlent bavards. Chacun leur tour, ils débarquent à Neuilly pour saluer cette fin heureuse. François Bayrou, ministre de l'Éducation, arrive. Charles Pasqua sort de la place Beauvau. Édouard Balladur annule une visite en province pour profiter de ce premier succès. Mais un seul décroche la timbale médiatique. Une star est née. Sentiment, c'est que la vie est belle. C'est depuis 48 heures le seul moment où j'ai pas eu ce poids épouvantable. Ce sentiment, c'est le visage de ces 21 gosses qui sont tous sortis en pleine forme. C'est ça, je suis heureux, voilà. Les 6 derniers, comment ça s'est passé? Ça a été les plus durs. Ça a été les plus durs parce que tout d'un coup, il s'est bloqué. Il s'est dit que ses enfants, c'était sa protection. Il ne voulait plus en sortir. Il ne voulait plus rien entendre. On a tout essayé. J'ai été chercher l'argent. On a envoyé le procureur de la République qui a été très courageux, qui a négocié lui-même. Parce que moi, il ne voulait plus me voir, il ne voulait plus parler, il disait que je l'avais trahi. Et donc le procureur a négocié, le préfet a été formidable, les gens du raid ont été extraordinaires. Toute la rançon avait été réunie? Écoutez, on avait réuni ce qu'il fallait. Il était très méfiant, il faisait tout recompter. Il a voulu absolument que je lui donne le montant des devises, en Deutschmark et en dollars. Enfin bref, il y a des discussions qui ont été irréelles. Est-ce qu'on sait qui est cet homme? Pour l'instant, non, mais peut-être que tout à l'heure, à 10h30, on en saura un peu plus. Comment ce ça s'est... Pour l'instant, ce qu'on a, je vais vous dire, c'est qu'on est heureux. Vous savez ce que c'est, être heureux? Eh bien, c'est ça. C'est voir que le ciel est bleu, que les enfants sont chez eux, et puis que nous, on peut ressortir tranquillement de cet enfer. Nicolas Sarkozy est heureux. Charles Pasqua intervient pour rappeler que c'est lui le chef, c'est lui le ministre de l'Intérieur, le premier flic de France, et il assume la réussite et la fin heureuse de cette tragédie. Voilà, le cauchemar est terminé. Il était très important que les enfants soient libérés en bonne santé. C'était notre objectif essentiel. Le second, qui n'est pas négligeable, c'était que force reste à la loi. Le forcené est mort. Le lundi suivant, PPDA est de retour aux commandes du 20h à Paris. Dans son journal, Human Bond tombe le masque. Il s'agit d'Éric Schmitt, né en Algérie en 1951. Son casier judiciaire est vide, chômeur en fin de droit, il s'estime en fin de vie. Mais sa mort sera au cœur d'une autre affaire, celle de Charles Pasqua et du RAID. C'est l'hypothèse de l'exécution. L'essentiel de cette théorie tient au fait qu'il n'y a aucun autre témoin que deux policiers du RAID qui aient vu le forcené se réveiller. D'où l'idée qu'il aurait été tué dans son sommeil sous l'effet de somnifères versés dans son café. Tué alors qu'il ne présentait pas un danger direct. Dès lors, la qualification de légitime défense ne tient plus. On parle alors d'exécution. Le saura-t-on un jour? Il est 15h35. L'ONU confirme que les forces serbes bosniaques ont évacué ce matin le mont Bejalinska. L'armée libanaise commence à se déployer dans le sud du pays, là où sont les casques bleus de la Finule. Les gens de Wadaï protestaient contre un massacre commis mercredi dernier près d'Abéché par des commandos non justifiés et non identifiés. Il y avait eu 82 morts. Il est tout juste 15h38. Il est tout juste 15h38. Il est tout juste 15h38. 38 minutes. Le scout de 13 ans, touché par la foudre hier après-midi à Font-Romeu, est toujours dans un état très grave. Il est au CHU de Montpellier. La jeune randonneuse disparue dans le massif de l'Oisan a été retrouvée morte ce matin. Elle a fait une chute d'une centaine de mètres sur le versant nord du sommet. Les terroristes corses du FLNC revendiquent l'assassinat de trois des leurs. Nous sommes allés là-bas, a-t-il dit, parce que 300 000 Somaliens étaient morts de faim et des suites de la guerre. Des millions d'autres étaient en danger de mort. Ils sont maintenant sauvés. Il est tout juste 15h38. Il est tout juste 15h38. Bon, dans la vraie vie, il est 15h41, hein, vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. On revient sur la prise d'otage de Neuilly. On se permet d'avoir un sourire, parce qu'au bout du compte, même s'il y a eu beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, il n'y a pas eu de victime. Donc avec moi dans ce studio, j'ai le plaisir d'avoir Laurence Perrier et Jean-Pierre Rabou. Bonjour madame, bonjour monsieur. Alors, bonjour. Laurence Perrier, donc votre fille était parmi ces enfants, ces tout petits enfants pris en otage. Et vous, Jean-Pierre Rabou, je le rappelle, donc grand reporter de TF1, vous étiez sur place lors de cette prise d'otage et vous avez rencontré le forcené dans la classe et vous avez écrit un livre intitulé 46 heures qui ont bouleversé la France. Comment ça passait, Jean-Pierre Rabou, comment ça passait cette rencontre? Alors je l'ai raconté, mais pour le coup, moi je n'y étais pas et vous y étiez. Alors dites-nous, et parlez-nous surtout de l'homme et de votre impression quand vous l'avez vu. Le souvenir est vivace, j'imagine. Ah ben, c'est un souvenir qui m'a marqué à jamais, parce que lorsque vous rentrez dans cette salle de classe, j'étais avec Louis Bayon, qui était donc le patron du RAID, qui m'accompagne dans la classe. D'abord, dans le couloir, vous avez les manteaux des enfants qui sont accrochés au patère. Pardon, je vais juste vous demander de mettre le casque comme celui-ci, là, voilà, parce qu'on entend le casque. Voilà. Ah, excusez-moi. Je vous en prie. Oui, donc quand je suis rentré dans cette salle de classe, quand la porte s'est enfin ouverte, la première image que j'ai eue, c'était quand même les enfants qui étaient autour de la maîtresse, Laurence Dreyfus, qui est en train de chanter des comptines, quoi. C'est-à-dire que, en fait, la classe était plongée dans une obscurité presque totale parce que le preneur d'otages, EHB, avait demandé à ce qu'on mette des dessins d'enfants sur les vitres pour pas que les tireurs d'élite du RAID puissent le voir et puissent éventuellement tirer, quoi. Donc, la première image que j'ai eue de EHB, c'était cet homme, alors que les enfants étaient en train de chanter autour de la maîtresse, qui avait une ambiance festive, pratiquement, des enfants de 3 ans, lui était dans le coin de la pièce, il était derrière l'armoire qui servait à mettre les jouets justement des enfants. Il était accroupi pratiquement sur une petite chaise d'enfant, alors qu'il était grand et assez costaud. Et il avait sur son ventre cette espèce de musette avec des fils qui sortaient. Et à la main, il avait cette plaquette en bois avec une petite lampe qui, dès qu'on est rentré dans la salle de classe, est passée au rouge. Et Bayon, d'ailleurs, me l'avait dit, Louis Bayon, le patron du RAID, il m'avait dit effectivement, ça permet de déclencher immédiatement l'explosion et de faire sauter tous les bâtons de dynamite qui sont dans cette classe. En plus, le RAID savait que ces bâtons de dynamite étaient de la vraie dynamite, puisqu'il s'avait fait venir des chiens renifleurs d'explosifs qui avaient reniflé qu'effectivement il s'agissait de dynamite. Donc l'angoisse était très grande en ce qui concerne ce qui pouvait arriver à ces enfants de 3 ans. Mais vous avez eu... Parce que quand on arrive dans ces conditions-là, dans une pièce fermée avec quelqu'un qui détient des otages et surtout qui a des armes, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, personnellement ? Moi, personnellement, comme tout journaliste, d'abord, comme vous le disiez très bien dans votre reportage tout à l'heure, comme tout journaliste qui, pendant des heures, planque pour une prise d'otage avec très peu d'informations, on ne sait pas du tout ce qui se passe, lorsque vous avez enfin la chance de pouvoir entrer au cœur même de l'événement, vous n'hésitez pas, bien sûr, vous y allez, quoi. Alors, évidemment, Sarkozy, lorsqu'il m'avait amené dans cette salle de classe, avait commencé à m'expliquer que c'était effectivement de vrais explosifs, qu'on ne savait pas du tout ce que voulait le preneur d'otage, est-ce qu'il voulait me garder moi en otage, est-ce qu'il voulait passer en direct dans le journal de 20h. Est-ce qu'il voulait, étant donné que TF1 appartient à la famille Bouygues qui est très riche, est-ce qu'il voulait également une rançon ? On n'en savait rien. La seule chose, m'a dit Nicolas Sarkozy, que l'on sait, c'est que en échange de cela, Louis Bayon, le patron du RAID, a négocié la libération d'un enfant. Parce que finalement, c'était le deal. À chaque fois, et d'ailleurs le RAID le fait tout le temps, paraît-il, dans les prises d'otages, à chaque fois qu'il y a une demande du preneur d'otage, en échange, il libère un otage. Et d'ailleurs, quand je suis rentré dans la salle de classe, un des enfants a été libéré. Et les enfants sont des petits, hein, 3, 4 ans, ils ne comprennent pas ce qui se passe objectivement, mais ils doivent sentir des choses. Enfin, je ne suis pas psy. Là, ils avaient l'air détendus avec leur maîtresse. Je crois que la maîtresse a été assez extraordinaire parce que justement elle détendait l'atmosphère. Bon, il y avait cet individu qui était dans le fond de la pièce avec sa cagoule, avec sa musette, avec ses explosifs qui étaient partout. D'abord, quand je suis rentré dans la salle de classe, je n'y voyais pas grand-chose puisqu'il y avait la pénombre, comme je vous ai dit, avec les dessins d'enfants qui étaient le long des fenêtres. Et j'ai commencé par marcher sur des fils. Et Louis Bayon, le patron du RAID qui était derrière moi, me dit: attention, il y a des fils, je ne les avais pas vus, les fils qui étaient par terre, c'était des fils qui étaient reliés effectivement au bâton de dynamite. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que moi je savais ce qu'il y avait à l'extérieur de cette salle de classe. Je savais qu'il y avait des tireurs d'élite du RAID, je savais qu'il y avait énormément de forces très spécialisées et que le preneur d'otage n'avait pas beaucoup de chances de s'en sortir. Et lui avait l'air très décontracté. Il m'a parlé d'une manière très décontractée. Il ne vous a pas paru cinglé ? Ah, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, c'est ce que m'avait dit, parce que, attention, avant que je rentre, le psychiatre, chemin d'ACAB, m'avait un petit peu dit: maintenant, vous n'êtes plus le journaliste témoin, vous êtes le journaliste acteur, puisque vous rentrez, et n'oubliez pas que ce monsieur, d'après nous, parce qu'il l'écoutait depuis le matin, quand même, ils avaient mis des micros partout, ce monsieur est profondément dépressif. Et ils avaient très très peur qu'en faisant venir la télé, d'ailleurs moi j'avais très peur après quand j'ai fait mon direct devant l'école, ils avaient peur qu'ils veuillent terminer en beauté en quelque sorte. C'est-à-dire que sachant que toutes les caméras de télévision étaient braquées sur cette école, faire sauter tout pendant le journal en direct de 20h. Laurence Perrier, donc vous étiez cette mère d'un enfant, une petite fille. Une petite fille, absolument. Donc prise en otage. Mais juste d'avoir 3 ans, du reste c'était la plus jeune de sa classe. Alors ce qu'on ressent est-il du domaine du communicable ? Parce qu'on imagine quand on est parent, on ressent une immense angoisse, une peur. Est-ce qu'on peut l'exprimer avec des mots ? Non, moi, enfin, à titre personnel, j'ai eu l'impression d'être changée en statut de sel, quoi. Brutalement, quand je suis arrivée à l'intérieur de l'école, j'ai vu tout de suite les forces de l'ordre, enfin, les hommes du raid, en noir, sur l'école et autour. Il y avait à peu près une trentaine de lits avec des couvertures, des pompiers, des comptes-gouttes. Ils en avaient mis une trentaine pour recevoir les enfants, car on savait déjà qu'il y avait des explosifs. Il y avait un camion de déminage quand vous arriviez dans la cour, où on entendait déjà, même dans la première matinée, c'est sans doute l'homme qui a mis une bombe dans le parking de Neuilly-sur-Seine. Bon. Donc vous arrivez, certains parents effectivement se sont retrouvés entre eux. Bon. À titre personnel, j'ai préféré rester seule. Bon. Alors, chose assez incroyable, il se trouve que mon mari Jean-Marie Demorand était, comme vous l'avez dit très justement, le gouvernement venait de se former, ce nouveau gouvernement, était le conseiller technique à la communication de Charles Pasqua, et il se trouve que notre fille faisait partie des otages. Bon. Donc c'est vrai que je m'étais mis un petit peu en recul, et c'est vrai que... ce n'est pas mon mari qui m'a prévenu, mais l'assistante du ministre de l'Intérieur, Monsieur Charles Pasqua. Et donc, lorsque je suis arrivée, moi, au sein de la cour, j'attendais qu'une seule chose, c'est qu'on me rende ma fille. Voilà. On me rend ma fille, je ne pense pas à autre chose. Je souhaite me rendre ma fille. Et mon mari est venu vers moi, à la limite, je ne l'ai même pas vu, je n'entendais pas. Or, j'ai su après qu'il avait été le premier père à rentrer à l'intérieur avec Bayon, justement. Bon, comme il était père et qu'il était, l'autre n'était pas censé savoir, et je n'étais pas censé savoir qu'il était au ministère de l'Intérieur, bon, a permis justement à Louis Bayon d'ouvrir la porte et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de la place. Il y avait effectivement des explosifs, c'est comme ça qu'ils ont su qu'il y avait des explosifs. Et vous imaginez fort bien que notre fille d'à peine 3 ans, forcément, s'est jetée vers son père et mon mari. Et ça s'arrête, parce qu'il y a des choses qui vous restent quand même de manière indélébile. Oui. Bon, bien évidemment, n'est pas partie avec sa fille. Et c'est comme ça, du reste. On pouvait pas libérer la fille du conseiller de Jean-Pascois. Voilà, mais même spontanément, je veux dire, on était suffisamment responsable pour pas partir avec sa propre fille. Et c'est comme ça que l'un des premiers enfants a quitté la salle. Mais je crois que les parents, tous les parents, eux, bien évidemment, gardent ça en mémoire de manière indélébile. On imagine Laurence Perrier et Jean-Pierre Abou. On va se retrouver dans quelques minutes après avoir écouté ce qu'on écoutait, notamment dans cette année 1993, Sheryl Crow, All I Wanna Do. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun. Sherry Crow, en 1993, année de la prise d'otage à l'école de Neuilly, sur laquelle nous revenons aujourd'hui dans Affaires Sensibles avec nos deux invités. D'abord, une mère de jeune enfant pris en otage, c'est Laurence Perrier, et puis le journaliste Jean-Pierre Abou. Laurence Perrier, est-ce qu'il y avait un suivi psychologique auprès de votre fille après? Parce qu'évidemment, elle ne se souvient pas, trois ans, c'est pas l'âge. Non, mais alors, aucun soutien psychologique. Alors là, je peux vous assurer, aucun. Ce qu'a regretté, du reste, l'ensemble des familles. Mmh. Bon, d'autre part, le soutien psychologique aurait dû être fait auprès des parents plus que des enfants, sauf pour les quatre derniers enfants, n'ont absolument aucun soutien psychologique. Voilà, on l'a demandé, on l'a réclamé, il n'y a strictement rien eu, alors que ça avait été une promesse qui avait été faite par différents ministres au moment de la prise d'otage. Dès que les journalistes s'en vont, en général, le soutien psychologique disparaît en même temps. Absolument, Jean-Pierre. En tout cas, Daphné, c'est le prénom de votre fille, a l'air d'aller très très bien, parce que je la vois aller derrière, elle est en registre, assez saisissant d'ailleurs de parler de cette histoire. Imaginez un enfant de 3 ans, 4 ans, et qui a aujourd'hui 23 ans, c'est ça, oui. On est ici. Presque 25, parce que c'était 25. Il y a 23 ans. Voilà, oui, et qui a l'air d'aller très très bien. Mais elle va, c'est plutôt les parents à l'époque qui allaient extrêmement mal et qui auraient forcément besoin d'un soutien psychologique. Il fallait quand même pas oublier qui étaient les victimes. Je pense que les victimes, c'est du côté plutôt des familles que de HB. Voilà, tout à fait. Alors, quel âge avait cet homme, donc à la fin de sa vie, c'est-à-dire pendant l'affaire, entre 30 et 40? Oui, une quarantaine d'années. Et c'est vrai qu'il était dépressif parce que il avait eu énormément de faillites, il avait fait pas mal de bêtises dans l'entreprise qu'il avait lancé, plusieurs entreprises. Il était un petit peu, il n'avait plus d'argent du tout parce que effectivement il s'était retranché chez ses parents et ses amis ne le reconnaissaient même plus parce qu'il était totalement dépressif et il passait toutes ses nuits justement à taper tous ses textes sur son ordinateur pour préparer cette prise d'otage. Enfin, ils ont su par la suite qu'il préparait effectivement cette prise d'otage. Est-ce que c'est éventuellement une forme de suicide qu'il aurait organisé pour finir sa vie différemment, en alors créant un choc, à la fois vis-à-vis de la société, vis-à-vis de lui-même, je ne sais pas. C'est ce que pensait le psychiatre qui, justement, étudiait HB depuis le début, dès que les gens du raid ont pu mettre les micros. Le psychiatre analyser justement les réactions de HB. HB qui était très gentil d'ailleurs avec les enfants, même assez paternel avec eux. Il jouait un petit peu les juges, les juges de paix avec les enfants. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui lui disaient « Mais il y a un tel qui m'a pris mon doudou !» Et lui disait « Mais rends-lui son doudou !» Enfin, tout ça était assez drôle de la part d'un gars avec une cagoule, etc. C'était pas tonton HB quand même. Non, enfin, il était quand même très, très gentil, paraît-il, avec les enfants. Mais en même temps, il était dépressif. C'est ce que m'avait dit d'ailleurs le psychiatre. Il était dépressif et donc ils avaient très très peur qu'il veuille terminer en beauté, qu'il fasse tout sauter, quoi. Bien. Donc on va être obligé de se quitter. En tout cas, merci. Merci Laurence Perrier. Merci Jean-Pierre Abou. Merci à vous pour votre témoignage, vos témoignages à l'une et à l'autre. Au revoir. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, la prise d'otage à la maternelle de Neuilly. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.